Ok, je lance AZERTY. Internet ? Ah bah je sais pas ce que ça veut dire. C'est comme un énorme Minitel. Internet ! Internet, c'est notre voyage. Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez AZERTY, l'émission qui s'interroge sur notre société numérique. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis en compagnie de Guglielmo. Salut, comment ça va ? Ça va bien, et toi ? Ben ça va super ! Exceptionnellement, aujourd'hui, pour la dernière de la saison, on voulait vous proposer un format un peu différent de d'habitude. Voilà 15 émissions qu'en compagnie de nos invités, nous interrogeons le monde numérique et l'impact que les technologies, plus si nouvelles que ça, ont sur nos vies. Notre objectif, c'est d'abord de parler aux curieux. Derrière chaque émission, on se pose cette question : pourquoi ce sujet devrait intéresser, même si on n'est pas technophile ? L'émission d'aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de faire le bilan, mais surtout de prendre du recul sur les différents sujets que nous avons pu traiter. On souhaitait revenir avec vous sur notre démarche et montrer en quoi les sujets qu'on a déjà traités, et ceux dont on voudrait continuer de parler, prennent écho dans nos vies quotidiennes. Gou, pour commencer, je te propose de faire un peu le point sur ces deux saisons et je peux te laisser expliquer un peu notre démarche. Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec AZERTY ? Les points est que aujourd'hui, on peut dire que les numériques en général est vraiment partout dans nos vies. Mais en même temps, on a du mal, je trouve, à se questionner bien dans la bonne direction sur les impacts que le numérique a sur notre société. Et des fois, ça nous rajoute des nouveaux questionnements, de nouvelles questions qui se rajoutent à des questions qu'on a déjà de la vie normale. Et des fois, la chose qui est intéressante, on revient sur des sujets qui changent avec le numérique, mais qui sont déjà présents dans la société. Aussi, ce qui est important pour nous, c'est de dire que notre société aujourd'hui, elle est un peu régie par la technique. Cette technique qui est très structurante. Et avec AZERTY, on cherche à interroger les acteurs de cette technique, ceux qui l'influencent, qui la remettent en question. Et les moyens techniques, on pense qu'ils peuvent être critiqués politiquement, interrogés socialement. Et le but, c'est de mesurer leur impact sur notre vie quotidienne. J'aimerais bien aussi rajouter, comment dire, que du coup, on ne veut pas, moi et toi, faire une émission qui soit l'émission de tech ou même techno-positiviste, on va dire, techno solutionniste. Nous, c'est vraiment d'interroger, comme tu disais, les numériques dans notre société d'un point de vue politique et social surtout. De manière générale, faut aussi rappeler qu'on n'est pas une émission d'actualité. Il est fortement probable que des émissions qu'on a fait perdent un peu leur valeur, même si on essaye de faire le plus possible en sorte que ça n'arrive pas. Comment toi, tu considères cette émission en rapport avec l'actualité ? Pour moi, personnellement, c'est plus que l'actualité nous inspire sur les sujets, mais on essaie à chaque fois de trouver des angles qui ne sont pas liés seulement à l'actualité. Un exemple, peut-être dans une prochaine saison, on pourrait parler de censure sur les réseaux sociaux. C'est probable qu'une émission comme celle-là pourrait être inspirée des faits d'aujourd'hui qu'on vit en ce moment, comme par exemple la coupure de TikTok en Nouvelle-Calédonie, en Kanaky. Du coup, oui, tout nous inspire, mais après, on cherche toujours de trouver des angles plus, disons, plus larges et plus généraux. Et des fois, même l'actu nous rattrape parce que dans la dernière émission qu'on a fait avec Olivier Saroui, pendant l'écriture de cette émission-là, il y a eu un gros sujet d'actualité sur l'anonymat. Je pense même, il y a un exemple encore plus frappant. C'est tout le débat qui s'est enchaîné cette année sur les problèmes des écrans et des enfants et des ados. Et l'année d'avant, nous, on avait déjà interviewé Séverine Herrel, qui est au centre de ces débats. T'as évoqué rapidement ton parcours. Moi, je te propose d'aller un peu plus en détail tout au long des émissions. On a un peu expliqué qui on était sans jamais rentrer dans le détail. Pourquoi c'est important selon nous d'expliquer qui on est ? C'est parce que c'est important de savoir d'où on parle, tout simplement. Et très bien, ça me va comme exercice. Mais du coup, toi, tu disais Infocom, vas-y. Moi, j'ai fait une licence d'information communication. Ce qui m'intéressait, comme beaucoup de gens qui font cette licence, c'était pas tant le côté professionnalisant de la communication, c'était que dans cette licence, on interrogeait beaucoup le monde médiatique et le monde numérique à travers la sociologie, à travers la philosophie sociale, à travers même parfois la psychologie. Et c'est pour moi une licence que je trouve très complète en ce sens. Ensuite, je voulais un peu me professionnaliser et j'ai fait un master UX design qui, justement, on l'a vu avec Guillaume Genest, s'intéresse à tout ce qui est ergonomie. Ce que je voulais voir derrière, mon intérêt premier, c'était comment l'interface structure notre rapport à la machine. On parle beaucoup d'interface homme-machine d'ailleurs. Et sinon, aujourd'hui, j'ai pu développer un peu un intérêt technique. Et ce qui m'intéresse, vu que je suis développeur web en dehors de AZERTY, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment fonctionne techniquement. En fait, j'aime un peu cette double casquette d'interroger socialement ce qui se passe et de en même temps d'être un peu geek, hein, forcément, faut le dire. Et moi, j'ai commencé avant toi de la radio. Et ça fait 7 ans aujourd'hui que j'essaye de parler de numérique sur différentes formes. Je me suis intéressé aux cultures web, j'avais une chronique d'actualité et aujourd'hui je suis très heureux d'avoir AZERTY avec toi. Maintenant à ton tour, je te laisse présenter un petit peu ton parcours. Alors moi la première chose à chaque fois que je parle de numérique qui me vient à l'esprit, c'est que pour moi mon approche à l'informatique a été toujours très pragmatique, dans le sens où moi je suis pas informaticien, je viens plutôt de sciences dites dures, STEM, de la physique, de la chimie, et ensuite j'ai migré vers l'écologie, la géographie. Mais du coup, pour moi, c'est vraiment une approche utilitaire. Et c'est pour ça que j'ai un point de vue déjà un peu différent. J'ai appris toutes mes notions autour du numérique parce qu'il fallait pour l'objectif final. Mais en parallèle, j'ai toujours cultivé deux passions. Et qui, en réfléchissant pour cette auto-entretien, on va dire, je me rends compte qu'elles ont été très fondamentales, très fondatrices pour moi dans mon envie de parler de numérique. Et ces deux passions sont une passion pour les SHS en général, surtout la sociologie. Ça, c'est très lié à mon parcours militant que j'ai mené en parallèle de mes études. Et une passion pour la SF, la science-fiction. Et du coup, effectivement, je réfléchissais de qu'est-ce qui m'a amené dans ma vie à parler de numérique. Et je me rends compte que peut-être des imaginaires SF comme les cyberpunk, qui maintenant je considère complètement ringard, était sûrement une des choses quand j'étais petit qui m'a intéressé de plus en plus quand j'étais ado et après adulte à tout ce monde-là. Il y a un sujet qui te concerne beaucoup aussi, c'est l'intelligence artificielle. À l'origine, quand on s'est rencontrés, t'avais même un projet qui, finalement, on a fusionné nos projets, t'avais même un projet là-dessus. Oui, complètement, parce que je travaille aussi avec l'intelligence artificielle, c'est une partie de mon travail, et je me rends compte, d'un point de vue technique et avec cette passion, disons, SHS, que l'intelligence artificielle va avoir des impacts extrêmement importants. Et du coup, à l'époque, je voulais déjà donner la voix, pas autant à des experts de l'IA d'un point de vue technique, mais je voulais donner la parole vraiment aux gens qui étudient comment nous, on interagit avec l'IA et comment l'IA va nous changer. Et après, j'ai rencontré toi, qui tu voulais une émission plus générale, et moi j'ai dit, bah oui, très bien, de toute façon, c'est tout le numérique qui m'intéresse au final. AZERTY, c'est une émission qui traite des sujets numériques, mais c'est pas une émission de geek. Non. Mais du coup, les problèmes, disons, comme toute émission qui a une ligne éditoriale, c'est quel est le public qu'on veut cibler et comment on veut le cibler. Pour moi, c'est une émission pour les curieux. Alors, au début, dans mon script, j'avais mis même techno-curieux, c'est-à-dire des personnes qui peuvent s'intéresser sans aller dans le détail des choses. Je pense que nos émissions sont avant tout des introductions au sujet et on laissera nos auditeurs aller beaucoup plus loin si le sujet a su les piquer au vif, je dirais. Pour moi, du fait qu'on ait plus une introduction par le format, par les invités qu'on a aussi qui sont plutôt très pédagogues, on est plutôt une émission pour les curieux / techno-curieux, les gens qui veulent savoir un petit peu, qui veulent tendre une oreille vers ce sujet. Oui, moi je rajoute que pour moi, notre objectif, ça serait de parler même aux gens qui ne sont pas techno-curieux. À chaque fois que j'ai des retours, que ce soit de messages sur Instagram ou IRL, de gens qui me disent « j'avais jamais pensé que cet aspect de numérique me touchait, j'avais jamais pensé à quel point ça peut devenir intéressant, à quel point c'est politique », ah bah là pour moi c'est gagné quoi. Pour moi, notre objectif c'est ça. Et or, les problèmes est-ce qu'on arrive à cibler ses publics? N'hésitez pas, ça aussi, à nous envoyer des messages en nous disant « effectivement, moi je suis pas expert de numérique, avant ça m'intéressait pas, et là je me dis qu'en vous écoutant, il y a des sujets intéressants ». On est preneur. Mais par contre, on peut déjà évaluer une chose. Ça fait 2 ans qu'on fait cette émission. On commence à pouvoir faire des stats. Si notre but est de toucher des techno-curieux et de toucher aussi des gens qui ne s'intéressent pas trop au numérique, peut-être on peut déjà regarder au bout de 2 ans quelles sont les émissions les plus écoutées pour voir si effectivement nos sujets les plus écoutés sont des sujets assez généralistes qui touchent aussi des gens au-delà de, disons, de la cercle de technophiles, disons. Eh bien, l'un de nos sujets les plus écoutés, c'est celui sur les écrans, avec Séverine Hérel. Donc, pour rappel, dans cet épisode, on interview Séverine Hérel, qui est chercheuse et psychologue à l'université Rennes 2, et elle est spécialiste, donc, des dispositifs numériques et de leur impact sur nous. Et ce qui est intéressant avec cette chercheuse, c'est qu'elle a un point de vue qui est assez différent du discours dominant. Et je pense que c'est peut-être pour ça que cet épisode il a été écouté. Je me demande même si des personnes sont pas tombées dessus pour confirmer un discours et ont pas été confrontées à un contre-discours finalement. Je sais pas. On a été aussi malin parce que l'émission a un nom genre est-ce qu'il y a une dépendance des écrans ? Et du coup, bien évidemment, il y a, comme tu disais, la doxa qui dit oui. Et Séverine nous montre plutôt qu'il y a des phénomènes, des paniques morales, plus que des vraies dépendances psychologiques. On a abordé là les côtés psychologiques des écrans, et qui du coup, c'est un peu compliqué. Et la chose que j'ai trouvée marrante pendant l'entretien est qu'elle revient que les centres de cette panique morale, c'est les jeux vidéo. C'est la panique de ces machins qu'on ne comprenait pas quand ils sont arrivés. Ma génération le comprenait, mais pas tout le monde comprenait. Et du coup, on a commencé à dire « Oh mon Dieu, on va perturber nos gamins ». Un autre épisode très écouté aussi, c'est celui sur Wikipédia. En fait, Wikipédia, c'est une institution, quoi. Donc, je pense que de lui-même, c'est quelque chose qui a attiré, c'est quelque chose qui a même fait réagir sur YouTube, où on a eu quelques commentaires qui mettaient « Ah oui, Wikipédia est neutre !» Ce qui est assez drôle quand même, parce que notre invité, je trouve qu'il a vraiment su vulgariser le sujet, qu'il était très bon sur expliquer la neutralité de Wikipédia, et ça c'était quelque chose qu'on cherchait aussi à avoir interrogé le côté éditorial d'une des plateformes les plus consultées au monde, finalement. Et la chose que j'ai kiffé aussi dans cette émission, c'est le fait qu'on dévoilait les coulisses de quelque chose qui touche les quotidiens des gens. Tous les jours, exactement, tous les gens, ne montez pas à vous-même, vous regardez d'abord les infos sur Wikipédia. Et du coup, bien évidemment, ça intéresse tout le monde. Et puis, c'est aussi l'occasion de voir que bah, finalement, la conflictualité au sein du monde numérique, elle est partout, même dans les endroits où on l'attend le moins. On en a parlé, hein, des batailles politiques qui se font sur des articles de Wikipédia. C'est quelque chose d'assez intéressant. Aussi, sur Wikipédia, j'ai noté que c'est peut-être l'une des plus positives, puisqu'on peut voir que quelque chose peut sortir du commun et que quelque chose d'intéressant, je veux dire. Wikipédia, on l'a dit, c'est une des plateformes les plus consultées au monde, et c'est même pas un GAFAM. C'est construit sur le commun. Oui, mais par contre, le côté de positif, je pense, ça nous fait du bien à nous en réécoutant, parce que peut-être on peut dévoiler la 3e place et on verra que la 3e place est un peu moins positive comme ton. Hein. Et oui, la 3e place, c'est la quadrature du net. Donc c'est notre épisode avec la quadrature du net. Je n'arrive pas trop à mesurer à quel point l'impact du non a joué sur cet épisode. En tout cas, c'est un épisode qui nous tenait à cœur parce que on suit leur taf depuis des années. Pour moi, cette association fait partie des associations qui font vraiment les types de travail qu'on disait tout à l'heure par rapport à dans quelle direction nous on veut aborder le numérique. Bah, eux, ils sont exactement dans la même direction. Du coup, pour nous, c'était assez naturel. C'était une émission beaucoup plus, disons, négative. J'aime bien les faits que sur ces 3 émissions qui ne sont pas dans l'ordre, parce que tout à l'heure j'ai dit 3e place, mais c'est pas la 3e place forcément, ça on va pas le dire, mais que dans ces 3 émissions, il y en a une qui parle de notre approche au numérique, une qui parle disons de panique morale d'un point de vue très individualiste, une qui parle de Wikipédia, d'un phénomène de masse, et une autre qui parle de système. Parce que pour moi, avec la quadrature du net, on a abordé ça, quoi. Les grands systèmes, comment ça marche, la dérive du système techno-capitaliste dans sa globalité, quoi. Une grande question finalement qu'on a aussi traitée par certains sujets, dont celui avec Séverine Hérel, c'est sommes-nous passifs dans nos usages numériques ? Est-ce qu'on est finalement presque par l'omniprésence des GAFAM, de superstructures qui nous dépassent ? J'ai l'impression que des émissions comme Wikipédia, des émissions comme La Quadrature du Net, et il y en aura d'autres, des comme ça, permettent de montrer qu'il est possible de faire autrement. Mais ça a l'air quand même assez difficile, nous a montré Guillaume Genest. Oui, complètement. On avait démarré comme ça la saison d'Azerty de l'année dernière sur comment on pense une interface. Et on a bien vu avec Guillaume le fait qu'il y a ce qu'on appelle le dark pattern qui nous manipule quelque part. Et du coup, je ne sais pas si on peut nous définir passive. Dans tous les cas, le numérique est devenu un terrain un peu piégé dans lequel il y a des pièges à droite, à gauche et du coup qu'on risque de tomber dans des paniques morales, comme on a déjà dit. Et toujours dans cette volonté de reprendre, je dirais en quelque sorte, le contrôle sur nos usages, on voit qu'il y a des préoccupations quand même qui émergent liées à ces questions de passivité, de comment on est plus passif, comment on peut faire du numérique autrement. Et ça, c'est aussi des choses qu'on a abordées. Donc avec la Quadrature du Net, mais aussi tout dernièrement avec Olivier Saroui et avec Régis Le Guenec. Comment est-ce qu'on peut, pour une saison suivante ou par nos émissions actuelles, comment on peut continuer un petit peu ce discours? Qu'est-ce que pour toi t'attends des prochaines émissions sur la réappropriation, je dirais, d'un numérique différent? Peut-être il y a la notion de retoucher vraiment au quotidien des gens, aux affects, vraiment arriver à expliquer des choses concrètes, parce que la chose que je remarque même autour de moi dans ma vie quotidienne, c'est que les gens sont intéressés les moments où tout leur l'explique, et le moment où l'enjeu est clair et l'enjeu est évident. Je pense à un épisode de Last Week Tonight with John Oliver. C'est une émission américaine dans laquelle, à l'époque des scandales de Snowden, il avait expliqué l'importance de protéger ses données en utilisant des dick pics. Il demandait aux gens, est-ce que toi tu veux que la CIA regarde ta dick pic? Bah, bien évidemment que les gens disaient, ah oui, non, merde, mais non, je vais protéger mes données. Du coup, je ne sais pas, ça pourrait être une entrée. De l'autre côté, bah, peut-être qu'il faut demander aussi, faut avoir des retours des auditeurs et des auditrices. Je sais pas, toi, t'en penses quoi? Bah, moi, je pense que il y a une grande difficulté, ça fait longtemps que, comme je te dis, que je parle de sujet numérique, et je trouve qu'il y a une énorme difficulté à prendre conscience de ces sujets-là. Comme si beaucoup de personnes savaient finalement que nos données sont captées, analysées, et j'ai l'impression qu'il pourrait être intéressant d'interroger ce renoncement de beaucoup de personnes. Je pense que t'as des amis non technophiles comme moi qui sont en mode, bah, tu sais, tu leur dis, oh, tu dois peut-être sécuriser ça comme ça, tu leur donnes un petit tips qui changera pas leur usage quotidien, mais eux vont être, oh, de toute façon, bon, c'est mort, quoi. Ah, c'est vrai qu'interroger ou aller étudier de pourquoi les gens ne vont pas plus loin dans leur démarche, ouais, ça pourrait être une piste assez intéressante. Il y a un sujet qui n'était pas présent dans la première saison, mais qui a monté beaucoup dans la saison 2. Et je pense que c'est un sujet qui domine un peu les discours sur la tech en ce moment, qui est l'intelligence artificielle. Alors, c'était partout à Vivatech. Alors, Vivatech, c'est le plus grand salon tech, on va dire tech, hein, vraiment. C'est le plus grand salon tech européen. Je pense que, comme tout le monde, vous avez entendu parler de ChatGPT. Là, l'IA, elle est à toutes les sauces. Elle est chez Google, bientôt chez Apple, bref. On n'en peut plus, c'est assez étouffant d'ailleurs quand on s'intéresse à ces sujets-là. On a l'impression que, enfin, je sais pas, hein, peut-être que cette émission elle aura mal vieilli, mais j'ai l'impression que c'est une grosse bulle où on sait pas encore ce que ça va faire, ou alors on essaie de trouver des usages à ce truc-là. Il y a des usages intéressants, on les a questionnés. Il y a celui, par exemple, avec Aurélie Lemaître. Comment l'IA pouvait nous aider à préserver le patrimoine, ça c'était des choses intéressantes. Il y a des choses qu'on posait question, notamment sur le sens, on l'a dit avec Thomas Corpetit, sur l'observation satellite, qui lui utilise l'IA à la fois pour générer voilà, des images qu'il peut analyser, et aussi pour traiter un flux d'images énorme. Maintenant, on l'a bien vu dans toutes nos émissions, c'est quelque chose qui interroge tous nos invités qui sont concernés avec le numérique. C'est quelque chose qui a beaucoup interrogé Benjamin Lemarron, qui lui, première émission, il nous dit « Oh, l'IA, ça me fait flipper !» Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, moi, je pense que ce côté de la bulle un peu économique, pour moi, c'est surtout une bulle économique, mais pas pour la technologie en soi. Ça, c'est ma pensée personnelle. Je pense que l'IA va changer beaucoup de choses dans notre société. Par contre, le hype qu'il y a autour, les discours qui est fait dominant, ça c'est très problématique et là ça peut être une bulle. Il faut rappeler qu'à l'état actuel, peut-être ça aussi ça va vieillir, mais OpenAI n'a pas un modèle économique viable encore. Oui, c'est vrai. Mais on en a vu plein hein, qui ont des modèles pas économiques viables et qui ont continué. Après, est-ce que l'IA va vraiment changer profondément notre société? Moi, je pense oui, mais sur des choses un peu différentes. Et du coup, ça me pose les problèmes, moi, personnellement, de comment créer une narration différente. Comment en parler dans une façon différente et essayer de montrer les aspects qui peuvent être réels et les diviser quelque part de la hype à la Silicon Valley dans lesquelles ils sont là à promettre de changer les mondes. Parce qu'on revient là à la promesse. Eux, toute cette hype-là, c'est parce qu'ils promettent de nous presque libérer du travail, quoi. Et on voit bien que sur nos invités, même ceux à qui on s'attendait le moins, c'est des questions qui se sont posées, notamment en fin d'émission. Je pense à Nicolas Vigneron, qui nous disait peut-être le futur de Wikipédia, ça peut être éventuellement un WikiGPD, qu'ils auraient tout intérêt à faire, vu qu'ils se font déjà pomper Wikipédia par OpenAI. Donc voilà, beaucoup de questions qui vont continuer autour de l'IA. Hein. Forcément, on fera pas 1000 émissions sur ce sujet-là, mais je pense qu'en saison 3, comme en saison 4, je sais pas combien on en fera, mais je pense que l'IA nous a bien montré que c'est quelque chose qui va saupoudrer un petit peu toutes nos émissions, qu'on le veuille ou non. Mais on n'en fera jamais, enfin, sauf émission, quoi, on ne sera pas une émission d'intelligence artificielle. Non, ça non. Bien au contraire, on voudra dédier de l'espace à ça, mais pas mon sujet sur ça aussi, parce que dans le numérique, il y a aussi de la vie au-delà de l'IA. Et d'ailleurs, Gou, il y a un sujet dont on n'a pas parlé depuis le début de l'émission, pourtant il est assez intéressant, c'est le jeu vidéo. Donc dans notre ligne éditoriale, on dit qu'on ne veut pas cibler des niches, on ne veut pas forcément cibler les fans de numérique. Et donc on voulait aussi parler de jeux vidéo, puisque le jeu vidéo, finalement, c'est une pratique culturelle qui découle de ces nouvelles technologies, pas si nouvelles que ça. Oui, et pour moi, l'industrie du jeu vidéo, disons, j'ai plus un intérêt presque sociologique ou anthropologique envers le jeu vidéo. J'avoue, j'ai joué beaucoup quand j'étais ado, mais beaucoup. Là, je joue plus de tout parce que j'ai pas trop le temps. Mais la chose qui m'intéresse toujours, c'est ce qu'il y a autour du jeu vidéo. On l'a vu beaucoup avec François Delataste et Wild Wits Game, le fait que c'est une industrie tellement grande et tellement variée que ça nous permet d'interroger, par exemple, les moyens de production des produits numériques. Et ça, je le trouve super intéressant. Et aussi les effets qui ont sur nous. Et en général, comment on crée cet imaginaire? Parce que, comment dire, même ça peut sembler des choses des geeks, mais en vrai, la majorité des gens entre nous jouent à des jeux vidéo. Exactement, et on a aussi essayé de montrer la richesse culturelle que c'était avec notre émission spéciale sur le Stunfest. Et c'était assez intéressant, donc cette émission qui était une visite sonore du festival Rennais du Stunfest, et c'était vraiment de voir qu'il y ait des pratiques aussi spéciales, bizarres, intéressantes que des bidouilleurs qui essayent de faire des manettes en carton, ou alors le speedrun, même ça, c'est super intéressant. Toute cette richesse culturelle, c'est quelque chose qu'on aime et qu'on veut continuer d'interroger. Il y a plein encore de sujets qui touchent le jeu vidéo. On n'en parlera pas d'un point de vue industriel, hein, évidemment, vous l'aurez compris. Souvent, on dit que voilà, le jeu vidéo, c'est l'industrie qui est même devant le cinéma. Non, nous, ce qu'on veut vraiment questionner, comme tu l'as dit, c'est tout ce qui est social autour du jeu vidéo. Par exemple, on a des idées hein, autour de la diversité, par exemple. Bref, on va pas vous spoiler la saison 2 et ce qu'on arrivera à faire, mais c'est des sujets dont on veut parler. Saison 3. Et là, c'est, par exemple, sur le moment, je me dis, des fois, c'est pas clair que l'industrie du jeu vidéo, c'est intéressant aussi parce que, comme beaucoup d'autres industries, on a l'artisan. Tu on l'a vu au Stunfest, comme tu disais, qui fait leurs choses dans son coin, tout seul. Il vient présenter, il est trop content. Jusqu'à l'IKEA, quoi. Exactement. Oui, c'est exactement ça. Mais quand on discute avec François Delataste, il nous parle hein, comme ça des Call of Duty. Je ne me souviens plus exactement de la phrase, mais il parle de Call of Duty. Dans la même phrase, il parle de Stardew Valley qui a été fait par un gars tout seul. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Et dans ce qui relie aussi la culture au numérique, notre première émission, elle était sur l'art et le numérique, ce qui est très particulier finalement parce que c'est pas la première chose à laquelle on pense quand on évoque le numérique. Honnêtement, je pense que les liens entre la création artistique et le numérique, ça date, je pense, c'est une des premières choses qu'on a fait, je pense. Ouais. Parce qu'on a retrouvé même, là j'y pense, là, ça m'a débloqué ce souvenir de t'écouter, que même Andy Warhol, à la fin de sa vie, dans les années 70-80, il jouait déjà avec les numériques comme nouvelle forme d'art. Mais l'évolution technique a toujours été une nouvelle façon de créer quoi. Quelle perspective avec ce nouvel objet, quelle perspective artistique on peut en découler, je pense. Tu vois, dans un autre... si on va beaucoup plus loin, l'arrivée de la guitare électrique, l'arrivée du synthétiseur, toutes ces choses-là, qu'on pourrait questionner demain, toutes ces choses-là montrent à quel point la technique devient, pour les personnes qui veulent créer, une nouvelle cour de récréation. Et dans ce sens, pour lier avec les jeux vidéo, il y a une ligne qui unit les deux, parce que des fois, on voit des choses dans des jeux vidéo qui sont clairement des démarches artistiques. Du coup, des fois, on pourrait, une partie du monde des jeux vidéo, on pourrait presque le recadrer comme une forme presque d'expression artistique interactive, quoi. Une dernière chose que je voudrais rajouter sur la question de l'art, pour moi, il y a aussi les faits qu'on a explorés, mais qu'on pourrait aller plus loin, parce que le moment où on y numérique et art, il y a aussi une autre question qui se pose, la question de la médiation. Exactement, on avait reçu Electronica pour en parler, qui était à la base du festival Maintenant, et c'est là qu'on a rencontré Benjamin le Baron, et interroger donc à quel point la culture et le numérique peuvent être espace de médiation, c'est quelque chose qu'on peut demain aussi continuer à faire. Et je dirais même plus comment le numérique peut être outil, acteur en tout cas, du partage, de la médiation. Et finalement, on peut lier divers sujets par la médiation. Alors, Guglielmo, ça fait un moment qu'on parle et je te propose de passer un petit peu aux pistes, quoi. Qu'est-ce que demain, on en a vite fait parler un petit peu, hein, qu'est-ce que demain on veut voir dans AZERTY ? Nos émissions demain, elles vont parler de quoi ? Ok, je vais un peu en vrac. La première chose qui me vient, c'est une chose qu'on demande souvent aux gens, mais on n'a jamais creusé trop, c'est le côté de la matérialité du numérique. C'est-à-dire que quand on pense au numérique, on pense à quelque chose qui est virtuel, qui n'existe pas. Ah ça l'est pas. On l'a bien vu avec les Fab Labs déjà. Et au fur et à mesure, on l'a vu avec les satellites, on l'a vu avec le VRChat, avec Chatman, les côtés du casque, de se mettre des capteurs sur soi. Du coup, peut-être inquiéter un peu plus la matérialité du numérique. Allez, fais un peu table de ping-pong. Vas-y, pour toi. Alors, moi, le côté émotion. Qu'est-ce que la tech, elle nous fait finalement ? Parce que il y a fort à parier que si nos vies, elles tournent autour d'objets technologiques, ces objets technologiques, ils nous font quelque chose. Hein. Quand il y a des couples qui se forment sur des applications, c'est forcément qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire. J'aimerais bien aussi l'inquiéter l'historique et l'historique des certaines questions. On l'a vu avec Olivier Saroui dans la dernière émission, que les questions posées sur l'anonymat du numérique... En vrai, ça rappelle des choses qui n'ont rien à voir avec le numérique. Et du coup, inquiéter un peu d'où ça vient, tous ces questionnements, l'historique d'Internet, quoi. Mais tu vois, même le fait, finalement, que Internet, c'est à la base un truc fait par des militaires qui a été récupéré par des hippies, qu'est-ce qu'il en découle aujourd'hui ? Quel impact ça a aujourd'hui ? Le web qui a été fait au CERN et qui, finalement, a été ouvert au public, ça aussi, ça veut dire quelque chose. Et c'est des choses que, en tout cas, on a le souhait de vouloir le traiter. Moi, j'aimerais bien parler aussi du digital labor. Donc là, j'ai dit un gros mot qu'on explique, on va tout faire pour l'expliciter la saison prochaine. Le digital labor, c'est... Je vais te laisser en parler, tiens. C'est tout le travail numérique, littéralement. C'est les problèmes... Les problèmes du digital labor est quelque chose qui est très vaste et il faudra réfléchir parce qu'au final, dans les mots digital labor, il y a plein de choses qui rentrent. Exactement. La notation des données, la modération des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a une quantité de travail numérique que des fois on fait nous-mêmes et on ne se rend même pas compte. Et du coup, il y a tout un des liens entre le numérique et la notion de travail. Et aussi les travailleurs précaires sur les plateformes. Complètement. Complètement. Voilà, c'est des choses. Et on a toutes ces dimensions-là qui est très, disons, pas explorées encore dans AZERTY et peut-être qu'on va le faire, on verra. Est-ce que ça te dit de terminer par des recommandations ? Ok, vas-y. Alors, Moi, je vais recommander un podcast. Je pense que tu sais déjà de quoi je veux parler. Il y a un podcast qui nous a inspiré. En vrai, on va pas se mentir sur notre travail. C'est un podcast qu'on vous recommande chaudement d'aller écouter. C'est un podcast de France Inter. Je veux bien sûr parler du Code à changer par Xavier Delaporte, qui là est un peu, je dirais, la step au-dessus, quoi. Si vous avez bien aimé AZERTY, vous êtes rentré dedans. Je pense que le Code a changé, vous pouvez y aller direct, parce que c'est forcément un peu plus geek, et ça va un peu plus loin, c'est un peu plus long aussi. Dans le format, si vous aimez bien AZERTY, ça va vous parler, donc moi c'est la reco que je ferais, c'est le Code a changé par Xavier Delaporte. Je ne suis pas sûr que ce soit plus geek, je pense que c'est plus philo, plus théorique. Oui, peut-être, ouais. C'est plus ça les points, plus que geek. Moi, je vais avoir une recommandation geek, je vais Vas-y. Rester à la maison, moi. J'ai envie de rester à la maison parce qu'on parle des jeux vidéo, on a parlé de toutes ces choses-là, très sérieuses, très importantes, très profondes, très politiques. Mais le numérique aussi, des fois, ça peut être fun. Et j'aimerais bien conseiller une autre émission de cette radio dans laquelle on est hébergé, c'est la Madeleine à Pixel. Ah oui, parce que très bien. De plus en plus, quand je travaille, j'aimais juste de la musique de jeux vidéo, souvent en lofi, souvent du coup de la musique plutôt calme. Et effectivement, la Madeleine à Pixel fait un travail sur le jeu vidéo et la musique qui est assez intéressant. Et bah super, on vous invite à écouter ces deux choses là. On s'est pas concerté avant, on savait pas de quoi on allait parler, mais voilà, c'est déjà la fin de cette émission un peu particulière dans laquelle on a pris plaisir à discuter avec vous plus directement que d'habitude. De notre côté, on est très heureux de cette saison d'AZERTY et on le dira jamais assez. Un grand merci à tous nos invités, toutes les personnes qui ont accepté de venir discuter avec nous de leur expertise et de leur expérience du monde numérique. Enfin, un grand merci à vous qui nous écoutez. On a reçu des retours de personnes qui nous ont découverts à la radio, à Podren et ailleurs. Ça fait toujours plaisir, alors vraiment, merci. Une dernière fois quand même, si vous appréciez AZERTY, on vous invite à nous mettre des étoiles, un commentaire, et si ce n'est pas le cas, à vous abonner au podcast et aux réseaux sociaux de l'émission, qui sont dans la description de l'épisode. Nous, on vous laisse, on va prendre une petite pause estivale pour revenir plus fort que jamais, et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures en podcast et sur la toile. J'aime bien venir ici, parce que le wifi va super vite. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça qui offrent une connexion fibre avec une vitesse gigabit.